Moi, Balandard, artiste de théâtre, je peux tous vous appeler mes chers enfants, car je vais vous narrer une anecdote tirée de mes pérégrinations internationales. Ce n'était pas à Rodez, en 1913, où j'avais créé la grosse nana. Ce n'était pas au théâtre de Verdure de Vertaison, où nous avions été pour le grand gala annuel organisé au profit des organisateurs de gala. C'était le 1er août 1914, lorsque j'ai reçu mon ordre de mission pour aller à la guerre. Eh bien, j'ai pas eu peur. Je suis parti tout de suite. Tout de suite, je suis parti. Pas eu peur. Dessous, il y avait écrit, si vous partez pas immédiatement, on fout en tôle. Au bout de 3 jours, d'ailleurs, j'ai été réformé pour déficience mentale. Nous étions au sud de Perpignan, où je devais garder les armes secrètes françaises, qui étaient à cette époque la BVC2. Je peux maintenant dire la formule. La BVC2, c'était à base de bouse de vache et de carbure. Voilà. 1 gramme de carbure sur une bouse de flac, ça a éclaté sur le visage de l'adversaire. Avant qu'il ait fini de s'essuyer, le soldat était passé à l'attaque. Clémenceau lui-même, au cours des essais officieux qu'il y avait eus, en avait reçu une en pleine tête. Il en avait été très, très, très, très content. Il avait même dit cette phrase qui est restée légendaire. « Remettez-moi ça. » Mais j'ai voulu, moi, Balandard, vieil artiste de théâtre, être utile à la nation. Et c'est pour ça que c'est moi, Balandard, qui ai créé le théâtre aux armées. C'est moi, avec quelques camarades, qui allions dans les campements, dans les casernes, et je disais toujours à mes amis artistes, allez les gars, toujours de l'avant, n'ayons pas peur, et toujours nous allions de l'avant, dans les tranchées, en avant les gars, chez les crapouillots, en avant, relever le moral de nos soldats, en avant, toujours. Une fois d'ailleurs, nous avons été tellement loin dans les premières lignes que nous sommes tombés chez les troupes prussiennes. Il y avait un jeune homme qui était là, habillé en militaire étranger, qui nous fait « Halt! Wagen Sie! Komm mit mir, Offizier! » Fais, je vous en prie. Parlez-nous sur un autre temps. Nous sommes des artistes. Le jeune homme en colère, vraiment en colère, le jeune homme s'est mis en colère, il nous a amené à grands coups de pied au QG allemand. Là où il y avait des officiers supérieurs, enfin des hommes du monde. Un colonel est venu, il s'est présenté. Colonel Karl von Strassen. Balandard. Dites-moi tout ce que vous savez sur le comportement des troupes en France. Ça, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Dites-moi tout ce que vous savez sur le comportement des troupes en France. Faut pas vous énerver pour ça. Vous voulez savoir le comportement des troupes en France? Eh bien, je vais tout vous dire. Voilà. Le comportement des troupes en France. La troupe Chichois est à l'Olympia de Lyon. La troupe Kennedy est à l'Alcazar de Rodez. La troupe... Vous vous moquez? Enfin, je ne me permettrai pas. Sitôt qu'il a su que nous étions artistes, une certaine sympathie s'est manifestée. Et après un verre de schnapps, il a insisté pour que nous passions en attraction pour les troupes allemandes, où nous avons fait d'ailleurs le même succès que pour les troupes françaises. Même à la fin, d'ailleurs, nous avions un final. Nous chantions « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. » Vraiment, on a fait un gros tabac. Et on nous a ramenés en ligne française. Et juste avant de partir, le colonel m'a dit « Balandard, s'il n'y avait que des gens comme vous, il n'y aurait pas souvent de guerre. » Mon colonel, moi, vous savez, Balandard, je suis comme tous les autres artistes. Que nous soyons en France, en Chine, en Russie, aux États-Unis ou en Angleterre, nous sommes toujours un peu chez nous. Pourquoi ça? Puisque l'art n'a pas de frontières.